ça se passe. Clément voudrait travailler dans le développement de logiciels ou la recherche en informatique. Le NEC plus ultra serait les grosses entreprises, Apple, Google, tout ça. Son rêve, aller aux États-Unis. Parce que c'est là qu'il y a les plus grosses entreprises d'informatique.